Salihou. Eric Ouimana assure la mise en onde. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Le Burundi s'est joint au monde pour célébrer la Journée internationale du travail et des travailleurs. Les festivités au niveau national ont eu lieu à Bururi. C'est là où le président Évariste Ndayishimiye a appelé les travailleurs à tenir des réunions visant l'augmentation de production et non celle de réclamation de salaire. La régie des eaux compte réhabiliter sous peu les lignes souterraines dans la ville de Bujumbura. Dans cette édition, vous entendrez le directeur général de cette institution qui dit que la coupure électrique observée est due à la vétusté des réseaux électriques. Et puis, au chef-lieu de la commune et province, Changuzo, des vendeurs de charbon de bois ont suspendu la commercialisation de ce produit il y a de cela près de 2 semaines. Ils ne convergeaient pas avec l'administration communale sur les prix. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le président de la République du Burundi appelle les responsables, y compris les représentants des syndicats des travailleurs, à tenir des réunions visant à augmenter la production, chacun dans son secteur, et non des réunions pour réclamer l'augmentation de salaire. Évariste Ndayishimiye l'a dit ce lundi 1er mai à Bururi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs. Plus de détails avec Zeno Nzambiman. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, fait savoir que l'entreprise risque de tomber en faillite car les employés n'augmentent pas la production. Il appelle les responsables et surtout les représentants des syndicats à tenir toujours des réunions visant l'augmentation de la production et non des réunions pour réclamer l'augmentation des salaires. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a lancé cet appel ce lundi au stade de Kawia en commune de Bururi. C'était au cours des cérémonies de la fête du travail et des travailleurs. C'est au moment où un représentant des syndicats des travailleurs dans son discours venait d'indiquer que même si le projet de la politique concernant la diminution des disparités salariales est en cours, la vie est devenue très chère suite à la hausse des prix. Le président Évariste Ndayishimiye appelle les Burundais à aimer leur propre pays et à s'atteler aux travaux de développement pour augmenter la production. Concernant la question des représentants des syndicats qui réclament la suspension de la mesure prise pour stopper les retraits des cotisations à la source pour alimenter les comptes des syndicats, le président de la République a fait savoir que cette mesure a été prise pour qu'il n'y ait plus de retenues forcées, mais des cotisations volontaires. Le numéro 1 burundais appelle les syndicalistes à dénoncer chaque fois tous les cas de malversation constatés. Depuis Bururi, Zeno Nzabimana pour la radio Isanganiro. Merci Zénon. Les employés sont appelés à dénoncer leurs employeurs en cas de malversation des biens de la société. Tarsis Gahungu, conseiller général de la COSIBU, Confédération des syndicats du Burundi, a lancé cet appel ce lundi même lors de la célébration de la fête du travail et des travailleurs à Bujumbura. Il interpelle les employeurs et les travailleurs à trouver le terrain d'entente pour trouver une solution à n'importe quelle question qui pourrait surgir dans le milieu de travail. Suivez. Nous avons des occasions de discuter avec nos employeurs. D'ailleurs, nous les avons demandé à ce qu'on n'attende pas la fin du 1er mai pour discuter des problèmes qui minent le monde du travail. C'est en discutant, c'est en se mettant autour d'une table de dialogue qu'on pourra trouver des solutions qui peuvent lier le socialement souhaitable à l'équilibre possible de nos employeurs pour que finalement, et les travailleurs et les employeurs, nous puissions travailler ensemble pour augmenter la productivité et qu'en retour, nous puissions aussi demander à ce que le fruit de nos efforts soit équitablement partagé. Nous avons demandé à ce que chacun fasse un effort, à commencer par les employeurs, à commencer aussi par les travailleurs, pour qu'on augmente la productivité, mais aussi et surtout à ce que, là où c'est possible, pour que les employeurs puissent voir autant que faire se peut pour lever le bien-être des travailleurs. Donc, c'est-à-dire que revoir où c'est possible, les salaires, etc. Mais sinon, je crois que l'essentiel, il faut qu'ils se mettent autour d'une table de discussion, d'abord pour voir le bien-être de l'entreprise, mais aussi pour que le fruit issu du travail puisse toujours être partagé. Vous l'aurez donc entendu, ce lundi 1er mai, le Burundi s'est joint au monde entier pour célébrer la Journée internationale du travail et des travailleurs. Dans son discours à la Nation ce dimanche, le président burundais a rappelé que les textes régissant la déontologie chez un fonctionnaire de l'État devraient être mis en place. Évariste Ndayishimiye rappelle que tout travail bien fait mérite une rémunération et c'est un honneur. Dans son discours, le numéro 1 burundais précise qu'il y a encore des leaders en fonction qui sont paresseux, injustes et corrompus. Kubera twamaze guhanga amaso iyo Burundi buterabuja uyu mwaka twagombye ko indongozi zikangura. Comme nous avons déjà une vision pour le Burundi, nous voulons que cette année, le leader se réveille pour atteindre les objectifs. Nous avons consacré dans un thème pour que nous tous nous réveillons. Aujourd'hui, nous avons encore des leaders qui pensent que la nomination à un poste est similaire à un enrichissement. Ce sont là des paresseux, des corrompus, des injustes envers la population et qui lui fait perdre du temps. Il y a encore des leaders qui n'ont pas encore compris que ce sont eux qui doivent trouver solution aux problèmes de la population et deviennent des témoins passifs. D'autres encore appellent l'État à faire ceci ou cela en ignorant que l'État n'est pas un individu. Le président burundais Évariste Ndayishimiye dans la traduction française de Moïse Misago. La coupure d'électricité observée en mairie de Bujumbura est due à la vétusté des réseaux électriques. Explication du directeur général de la régie des eaux, Jean-Albert Manigomba. C'était mercredi lors de la signature de contrat avec deux sociétés qui vont appuyer dans l'électrification de plus de 30 localités non encore électrifiées à travers le pays. Il déclare en outre que la régie des eaux compte réhabiliter sous peu les lignes souterraines. Les causes de ces coupures, on veut les classer de deux sortes. Premièrement, il y a les coupures volontaires et les coupures non volontaires. Les coupures non volontaires sont dites par l'investisseur de nos réseaux. Notre réseau électrique est vieille, surtout les réseaux souterrains. Mais on est en train de travailler avec les bailleurs. Vous allez voir dans si peu de jours, ici même, la signature de contrat des entreprises qui vont réhabiliter le réseau de Bujumbura. C'est-à-dire toutes les lignes souterraines, nous allons les réhabiliter, mais aussi les lignes aériennes, surtout les quartiers périphériques, où on va les remplacer avec les poteaux en bois, on va les remplacer avec les poteaux métalliques. Alors, ces coupures, alors, que je peux dire involontaires, sont dites par l'investisseur de notre réseau, mais aussi dans les années passées, comme vous le savez, surtout dans les quartiers périphériques. La régie des eaux dans les années passées n'était pas à mesure de faire des extensions. C'est pourquoi ils disaient à la population de s'acquérir eux-mêmes des équipements. Alors, la population a acheté des équipements de mauvaise qualité. Ces équipements de mauvaise qualité nous posent beaucoup de problèmes. Les lignes sont cassées jour et nuit. On voit des réseaux qui s'oublient. Mais quand même, on est en train de le remplacer. Mais s'il y a un câble électrique qui s'oublie, on le remplace. Mais la rentabilité, c'est là réalisée quand nous allons faire la réhabilitation du réseau dans si peu de jours. Et la population, quand même, c'est là satisfaite. Alors, concernant les coupures volontaires, ce sont les coupures qu'on fait surtout à 24 heures. Comme j'ai déjà dit ça, on est en train de réhabiliter nos réseaux en fait de recevoir des nouvelles injections de l'énergie en provenance des centrales hydroélectriques en construction. Arukira, Serusumoforce, Kabusese, et il y a aussi Ruzivasi qui est déjà injecté. Alors, c'est à peu près 60 MW qui seront injectés dans le réseau. Ça fait la réhabilitation de nos postes. On ne peut pas injecter cette énergie parce que ça allait détruire nos postes. Alors, on fait alors les coupures surtout à 24 heures parce qu'on sait qu'à 24 heures, la population se repose et on fait ces coupures pour réhabiliter, adapter et moderniser notre. Les vendeurs de charbon de bois au chef-lieu de la province Changuzo ont suspendu la commercialisation de ce produit il y a près de 2 semaines. Ils s'insurgent contre la mesure de l'administration communale et leur interdisant de vendre le charbon à un prix dépassant 15 000 francs burundais le sac. Les utilisateurs du bois de chauffage s'inquiètent de sa rareté et demandent à l'administration de prendre des mesures consensuelles quitte à débloquer et cette situation derrière laquelle se cache la spéculation. Raymond Mudende, depuis Changuzo. Au quartier Kigwati, à la 3e avenue, au chef-lieu de la province Changuzo, depuis ce dimanche, un seul sac de charbon de bois n'y a été vendu. Les vendeurs de ce produit interrogés disent qu'ils ont préféré arrêter de vendre le charbon du bois suite à la mesure de l'administration communale de Changuzo qui leur interdit de vendre ce produit à un prix fixé entre 12 000 et 15 000 francs par sac. Selon ces vendeurs, une telle mesure n'a pas été consensuelle et jugée illégale. Ils pensent que la hausse du prix du bois de chauffage est liée à la hausse d'autres produits sur le marché de Changuzo. Ces vendeurs, de même que les utilisateurs du bois de chauffage, estiment que cette mesure de la commune Changuzo ne les avantage pas. Des détenteurs de restaurants au chef-lieu de la province Changuzo qui utilisent le charbon disent que depuis l'arrêt de vendre le charbon de bois, les activités ont été paralysées et risquent même de fermer les restaurants. Ce lundi, il était prévu une réunion des vendeurs du bois de chauffage, réunion au terme de laquelle sortiront des suggestions à soumettre à l'administration communale de Changuzo. Ceux qui vivent du commerce du bois de chauffage affirment alors que la fête du travail des travailleurs arrive dans une période où ils sont démunis suite au manque d'argent. Depuis Changuzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Le manque de moyens financiers et d'infrastructures modernes sont certains des défis qui hantent l'organisation du championnat national d'athlétisme. Ambassadeur Dieudonné Kwizera, président de la Fédération burundaise d'athlétisme, renseigne que le problème lié aux infrastructures trouvera solution après les travaux de construction du stade Inhwari, du moment qu'il y aura cette fois-là des pistes modernes destinées aux compétitions. Jean-Marie Vianney, Gendakoumane. Le manque de moyens financiers est un défi majeur qui empêche la Fédération burundaise d'athlétisme à détecter les talents des athlètes convenablement. Propos d'ambassadeur Dieudonné Kwizera, alias Mvuduka, président de la Fédération burundaise d'athlétisme. Les défis, ce sont les moyens qu'il nous faut pour organiser des compétitions. Sans les sponsors, sans l'assistance de la Fédération internationale, on ne peut pas parvenir à organiser, même avec ces subventions, on ne peut pas organiser les compétitions comme on veut. Donc ce sont les moyens financiers qui nous manquent, mais je suis sûr et certain que les talents sont là, mais malheureusement les moyens pour les détecter nous sont limités. À cela s'ajoute le manque d'infrastructures modernes, selon encore l'ambassadeur Kwizera. Il estime qu'après la construction du stade Inhwari, les pistes respectant les normes internationales seront disponibles. Le défi au niveau des infrastructures, nous espérons qu'une fois que le stade Inhwari est achevé, que nous allons bénéficier d'une piste en tel temps. Ça sera la première piste en tel temps depuis l'existence du Burundi. Et vous savez très bien que les gens se posent tellement les questions à savoir comment est-ce que le Burundi a pu se doter des athlètes d'un niveau international. En l'occurrence, les athlètes qui ont gagné les championnats d'Afrique, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, les meetings en Europe, jusqu'à battre même les records du monde sans aucune infrastructure adéquate. Donc, nous pensons que si on a des infrastructures, nous avons des athlètes très talentueux, ils ont de bonnes références, ils ont un bon encadrement, bien que nous manquons des moyens pour organiser les compétitions. Parce qu'une compétition coûte plus ou moins 10 millions de francs. Alors pour pouvoir arriver à organiser cette compétition, on fait appel aux sponsors. Le président de la Fédération burundaise d'athlétisme apprécie positivement la volonté du président de la République qui a déclaré l'année dernière la mise en place d'un programme de détection des talents au niveau national. Cela va contribuer à la promotion d'athlétisme au Burundi. Son Excellence, notre président de la République, lors de la journée olympique qui s'est déroulée à Moharou, a émis le souhait de mettre en place un programme au niveau national dans des sports différents qu'il a appelé la détection des talents à partir des communes, des provinces, pour que les jeunes qui se cachent quelque part puissent être identifiés. Et je pense qu'un jour où ce programme sera mis en place, nous allons vraiment bénéficier de ce programme puisque nous l'avons commencé avec très peu de moyens. Alors si ce programme est initié, ça va renforcer déjà le travail que nous avons déjà commencé. Et dès que ce programme commence, je pense que la Fédération d'athlétisme va se réjouir, peut-être plus que d'autres fédérations, parce que nous avons déjà commencé ce programme avec des moyens moindres. Si nous avons beaucoup plus de moyens, on va intensifier et multiplier les compétitions de ce genre. Ambassadeur Dieudonné Kwizera demande au Comité national olympique et au ministère ayant le support dans ses attributions à soutenir les athlètes qui ont validé les minima pour représenter le Burundi dans les compétitions internationales. Et voilà, c'est donc par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Et gardez l'écoute, nos programmes continuent. Actualité régionale. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous captez. Débutons cette revue régionale par la RDC où 10 personnes sont mortes dans une double attaque des miliciens de la Codeco samedi 29 avril dans deux chefferies du territoire de Djougou, en Ituri, Liton sur Okapi. La plupart des victimes ont été abattues dans leurs champs. Avant de se retirer, ces miliciens ont enlevé des toitures de plusieurs maisons et emporté des produits de champs des victimes, poursuit Okapi. Des sources militaires parle de trois militaires tués, y compris le chauffeur du camion et son aide. De son côté, le porte-parole des FRDC en Ituri, qui ne confirme pas encore ces informations, demande néanmoins aux habitants de cette contrée de ne pas s'éloigner des périmètres sécurisés par les forces loyalistes, conclut ce journal congolais. Au Kenya, le major général Jeff Mungai Nyaga était optimiste lorsqu'il a été nommé commandant de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. 6 mois plus tard, il a quitté la mission un homme effrayé. Une prétendue lettre qu'il a écrite au secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est, Peter Matuki, indiquait qu'il avait été intimidé, menacé et insulté dans les médias congolais locaux, écrit le journal The East African. Cependant, les forces de défense du Kenya et de l'EAC ont rejeté la lettre comme fausse. Actualité régionale. En Ouganda, les hauts responsables de la maison des médecins qualifiés qui se forment pour devenir des spécialistes tout en servant dans les hôpitaux publics ont déclaré une grève nationale effective depuis ce lundi pour le paiement des arriérés. Les médecins, au nombre de 693, dans leur lettre du 28 dernier au secrétaire permanent du ministère de la Santé, ont indiqué qu'ils n'avaient pas perçu leurs indemnités depuis 4 à 6 mois. Selon le journal ougandais des Monitors, les médecins et les boursiers exigent des arriérés d'allocation de 4 à 6 mois, mais on s'attend à ce qu'ils étudient avec diligence tout en servant leurs compatriotes ougandais au milieu des défis de la rareté des fournitures médicales. Pour boucler cette revue de l'actualité régionale, les autochtones du village rural de Chakahola ont relevé qu'en dépit d'avoir donné des informations sur les activités suspectes sur les terres qui appartenaient à Paul Mackenzie, les autorités les ont ignorées. Cela s'est produit alors que des creuseurs continuaient à déterrer des corps de la grande ferme selon le journal Kenya Taifa Leo. S'il est clair que les rapports ont été rédigés depuis 2020, de nombreuses questions se sont posées quant aux raisons pour lesquelles la police n'a pas agi même après avoir reçu les rapports et comment les décès et les activités ont continué sans être détectés. Vendredi dernier, tous les commandants de la police de la région de Kilifi ont été remplacés pour permettre une enquête approfondie sur les cultes religieux aux enseignements trompeurs, conclut ce journal kenyan. Ainsi se referme cette revue de la presse régionale. Elle vous a été préparée et présentée par Moïse Misago. À la prochaine.